Merci. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir une fois de plus à Pleuzévette et j'apprécie en plus l'héroïsme des présents de venir m'écouter par un si beau jour, si bel après-midi qui donne envie d'aller plutôt à la mer. Et c'est toujours avec une certaine émotion que je retrouve Pleuzévette et avec un sentiment étrange. J'avais un ami, parce que hélas, il est décédé maintenant, qui était encore plus vieux que moi, et qui n'avait pas été toujours un mari absolument fidèle. Et sa femme, qui a eu la maladie d'Alzheimer, qui peut-être me guette beaucoup d'entre nous, à partir du moment où elle a eu la maladie d'Alzheimer, ne se souvenait plus que des bons souvenirs. Elle avait oublié tout le reste. Alors, je dirais, à l'égard de Pleuzévette, je n'ai pas de mauvais souvenirs, mais... Il y a un phénomène un peu du même genre, c'est qu'à chaque fois que je reviens à Pleuzévette, je découvre une commune complètement nouvelle. D'abord parce qu'elle a beaucoup changé, c'est-à-dire à chaque fois, bien sûr, je ne viens pas tous les ans, donc le temps crée le changement. Mais non seulement elle a beaucoup changé, mais tout a changé et je ne reconnais rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne connaissais pas ce bâtiment. Il a été créé, il a été construit depuis ma dernière venue. Et voilà, donc je me retrouve dans une terre tout à fait neuve. Comme la première fois où je suis venu ici, alors ce n'était pas le soleil, c'était ça devait être en 64, en 1964 ou 65 peut-être, c'était en février. J'avais vaguement une ou deux adresses. C'était une sorte de fin d'après-midi, un peu avec un crachin comme ça. Et alors, évidemment, ma vision de la commune n'a pas été exaltée au début. Hein, donc et effectivement, en plus, ce n'était pas du tout la commune qu'elle est devenue depuis. Elle était au début de ses grandes transformations. Et voilà, c'était ma première surprise. Alors... Comme l'a dit Bernard, je vais essayer d'évoquer devant vous l'enquête pluridisciplinaire de Pleuzévette, qui me ramène à plus de 40 ans en arrière, mais je suis arrivé un peu à l'âge où l'on commence à avoir un peu trop tendance à raconter ses souvenirs, et je ne voudrais pas raconter mes souvenirs, justement. Je voudrais voir comment mes souvenirs... Et au-delà de la perception que nous pouvons avoir de l'enquête, a changé avec nous. Quand je dis nous, je dis d'abord les chercheurs, le milieu des sciences humaines, l'ensemble des disciplines qui étaient présentes là, dont les méthodes, les thèmes ont changé. Donc Pleuzévette est un moment... de l'histoire des sciences humaines. C'est, on peut dire à sa manière, une sorte de musée immatériel, un peu des sciences humaines et des sciences sociales des années 60. Ce qui a changé aussi, bien sûr, c'est la société française et la Bretagne, tout particulièrement, qui ont été métamorphosées par ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, et qui étaient à leur zénith au moment où a commencé l'enquête. On ne s'y attendait pas, on croyait peut-être trouver une Bretagne un peu endormie, on n'avait pas choisi un village de Bretagne pour trouver quelque chose d'endormi, mais enfin, je pense qu'aucun des chercheurs ne s'attendait à trouver au contraire une société en ébullition comme celle qu'on a trouvée, et on a suivi, comme on dirait maintenant, en temps réel, la métamorphose, sans doute la plus intense qu'a connue Pleuzévette depuis le début de son histoire. Et ce n'était pas spécifique à Pleuzévette, c'était un trait général de la Bretagne, qui est sans doute la région de France qui s'est le plus transformée dans le dernier demi-siècle, et surtout à partir en France, et surtout à partir des années 60. Et puis, les Pleuzévétiens, bien sûr, vous-même, vous avez changé. Et vous avez changé, car une des choses intéressantes, j'aimerais y faire allusion peut-être à la fin de mon exposé, car j'évoquerai beaucoup les rapports des Pleuzévétiens avec l'enquête, qui ont été très compliqués, qui ont été très difficiles, comme avec chaque enquête. Mais peut-être une des particularités de Pleuzévette, c'est la façon dont la commune s'est approprié l'enquête et continue encore de vivre avec elle, de s'en nourrir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'on ne rencontre sans doute dans aucune des autres grandes enquêtes du même type qui ont été faites en France. Voilà. Alors, c'est donc dans cette, en ayant cette perspective en arrière-fond que j'aimerais revenir sur présenter une sorte de bilan de cette enquête. De cette enquête qui, par son langage, par les thèmes dominants, par sa façon d'aborder la réalité sociale, appartient à une configuration intellectuelle qui n'est plus la nôtre, qui est celle des années 1960. Et sa volonté de convoquer au même endroit et à partir d'une posture d'observation, comme on fait toujours, c'est le modèle des sciences naturelles, hein, où on a le microscope, où on regarde et on observe et on décrit. Hein. D'une posture d'observation, de rassembler donc un grand nombre de chercheurs et de disciplines, cet appel à l'interdisciplinarité désigne un moment des sciences sociales et de la société française, où les pouvoirs publics, comme de larges secteurs de l'opinion, étaient habités par une mystique volontariste du développement scientifique. Une mystique qui a beaucoup disparu depuis. Enfin, je dirais surtout chez les gouvernants. La Délégation générale à la recherche scientifique, qui a été l'organisme qui a financé et qui a permis le déroulement de cette enquête, était elle-même l'expression de cet état d'esprit. Elle avait été créée au début de la Ve République, donc après le retour du général de Gaulle, pour promouvoir le renouvellement des méthodes et des problématiques dans la recherche. Et quoique minoritaire dans la distribution des crédits de cette, ce qu'on appelait la DGRST, hein, comme c'est toujours le cas, comme c'est le cas déjà dans l'organisme plus habituel de ce qu'on appelle le CNRS, les sciences humaines ont reçu leur part de cette manne supplémentaire, car elles bénéficiaient, durant cette décennie, auprès des milieux dirigeants de l'État, comme auprès des grandes entreprises, d'une popularité qu'elles n'ont jamais retrouvée depuis. L'économiste Jean Fourastier, connu du grand public pour ses essais sur l'évolution de la consommation et qui était un membre du comité qui a piloté, du comité de scientifiques, qu'on appelait le CADES, qui a décidé l'enquête et qui l'a officiellement dirigée, avait affirmé « Le XIXe siècle a été le siècle des sciences expérimentales, le XXe siècle sera le siècle des sciences humaines ». Cette politique d'incitation au développement scientifique était dictée dans l'esprit du pouvoir gaulliste par des préoccupations d'ambition et de puissance nationale, mais elle devait aussi servir de prolongement et d'adjuvant à une conjoncture de forte croissance économique, assimilée par certains à une deuxième révolution industrielle. Vous voyez à quel point nous sommes dans une France qui n'existe plus. Le CADES, donc, le comité qui avait la charge de distribuer les crédits, décida de tout consacrer, au lieu de saupoudrer, de donner un peu d'argent à tel groupe, à tel centre, pour telle enquête, à tout mettre pour une opération d'envergure, convoquant sur un même objet, ou au moins sur un même terrain, un grand nombre de disciplines. Et la commune de Pleuzévette a été choisie sur les conseils d'un homme qui n'a pas été présent dans l'enquête, mais qui a joué un rôle important à côté de l'enquête, le docteur Sutter, qui était un chercheur à l'INED, spécialiste de la génétique des populations, et qui menait lui-même des recherches sur l'évolution de la consanguinité en France au XXe siècle. Et il a proposé qu'on choisisse donc une commune du Pays Bigouden, parce que le Pays Bigouden faisait partie à l'époque des régions de l'Europe où l'on relevait au XXe siècle l'un des taux de consanguinité les plus élevés. Quand je dis au XXe siècle, j'y reviendrai peut-être un peu, c'est un taux qui avait atteint un maximum à la veille de la guerre de 14, car ce n'est pas du tout un phénomène ancien, la consanguinité, c'est un phénomène du XIXe siècle et qui ensuite avait commencé à décroître. Alors, en décidant l'étude d'une micropopulation sélectionnée pour son essentiellement sur, je dirais, des bases biologiques, pour son particularisme génétique, le CADES engageait l'enquête dans une mobilisation pluridisciplinaire, dominée donc par cette orientation, on peut dire anthropobiologique, qui privilégiait le dialogue entre les sciences biologiques et les sciences sociales.